Donc, dans la deuxième partie de la conférence, avant de passer aux questions, tu voulais parler de la réincarnation unitaire. Parce qu'on se réincarne avec un double éthérique. Qu'est-ce qui se passe? On t'a tout dit, voilà. La réincarnation unitaire, qu'est-ce que c'est? Bon, on peut toujours se référer à la conférence que j'ai faite intitulée « Comment survivre à sa mort ». Ça doit être parce que j'avais écouté celle-là. Ah, ben ça. La réincarnation unitaire fusionnelle, c'est une réincarnation qui se fait lorsque l'être humain a vécu une négoïsation suffisante. La négoïsation, c'est une mécanique qui fait en sorte que l'ego, donc la majorité de l'énergie qui a été conservée sous forme de mémoire, et qui se prend pour nous, auquel la psychologie nous a habitués à s'identifier, cette énergie-là, à un moment donné, elle finit par perdre l'information qu'elle contient, donc elle perd la mémoire, elle devient plus utilisable, et elle crée dans le plan moronciel, qui est un plan qui existe entre la vie matérielle et la mort, le monde astral, le ciel, elle crée un double conforme à votre intelligence, on appelle cela le double éthérique. Et à un moment donné, lorsque l'ego est suffisamment fondu, lorsque la négoïsation est suffisamment avancée, l'individu qui meurt, au lieu de gagner le monde de la mort, va rejoindre son double éthérique. Et à partir de là, il est totalement individuel dans sa conscience. Ce n'est pas une conscience d'habitude, ce n'est pas une conscience de mémoire, c'est une conscience instantanée et spontanée qui est maintenue dans le contexte planétaire par de l'énergie, par une forme, le double éthérique. Alors, l'individu pourra soit ramener avec lui son corps dans sa mort, donc retrouver le corps qui est décédé, se fusionner avec, en faire un corps de lumière et le dissoudre. C'est ce que le Nazaréen a fait. Par la suite, il pourra ramener son corps de lumière, le reterrestrifier, donc en refaire un corps de chair là où il voudra. C'est aussi ce que le Nazaréen a fait. Il y a d'autres individus qui ont aussi fait ce genre de choses. Et sinon, si le double éthérique n'est pas suffisamment constitué, l'individu, dans ce qu'il y a d'exprimé de plus intelligent, de plus pur dans le contexte planétaire, ne va pas dans le monde de la mort, donc il n'est pas digéré selon les processus qu'on a vus dans les deux conférences avant. Et lorsqu'il se réincarne, eh bien, il se réincarne dans un corps physique. Il se rappelle intégralement ce qu'il a été. Il va devoir digérer des mémoires qui vont s'incarner en même temps parce que le canal réincarnationnel n'est pas coupé, n'est pas étranglé, mais il va les digérer. Et comme je le dis de temps en temps, ça veut dire que s'il s'appelle Robert, eh bien à l'âge de 3 ou 4 ou 5 ans, il va dire à sa mère, écoute, mon nom c'est Charles, c'est pas Robert. Et il va être un Charles enfant qui va se rappeler au fur et à mesure qui il était. Et nécessairement, ne recommencera pas une vie, il va poursuivre sa vie. Et dans son cas à lui, on pourra effectivement parler d'immortalité au niveau de la conscience. Il poursuit sa vie, mais elle recommence dans un corps d'enfant. Et non pas dans un corps d'adulte, alors que... Exact. Et il y a certains avantages d'énergétiquement se tenir avec des individus pour créer une forme de famille énergétique, parce que sinon, si ses parents ne sont pas prêts, il va voir pas mal de psychologues, le petit Pierre-Charles. Oui. Les parents aussi, peut-être. C'est ça. Et quand il se réincarne de cette façon-là, est-ce qu'on peut dire que le double éthérique choisit réellement sa famille ou son environnement, son entourage? Bien, de toute façon, le double éthérique va choisir effectivement la famille, mais ce qu'il va surtout choisir, c'est le corps physique. Plus le corps physique va être apte à exprimer l'intelligence du double éthérique, donc de l'individu, plus le double éthérique va être attiré vers ce corps. Donc, le double, par exemple, ou encore l'individu, vous ne choisirez pas un corps handicapé parce que les parents sont corrects. À choisir un corps qui va être capable de vous exprimer en espérant que les parents vont être capables de supporter l'idée. Ce qui peut être difficile. Non. Remarque que si tu es capable de te réincarner unitairement avec un double éthérique, probablement que tu vas avoir l'aptitude d'expliquer aux parents. Oui, effectivement, tu vas pouvoir imprégner tes parents, mais si les parents ne se poussent pas trop vite quand même. Mais pour certains parents, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'enfants teflons qui naissent aujourd'hui qui sont beaucoup plus puissants au niveau de l'intelligence que ce que les enfants sont traditionnellement. Et il y a beaucoup de parents qui en ont peur. On peur de leurs enfants parce que oui, mais je ne sais pas où ce qui prend ça, puis il sort plein d'affaires, puis etc., etc., etc. Mais oui, mais c'est ça. Ce sont des enfants qui ont la capacité de recevoir un peu plus d'intelligence. Ils expriment plus d'intelligence. Puis l'intelligence, c'est la capacité qu'on a d'apprendre spontanément. C'est pas la capacité qu'on a de se mémoriser, de se remémorer. C'est pas de l'intellectuance. Alors, ça crée un paquet de conflits. J'en parle de façon suffisamment au niveau des livres sur l'enfant Teflon, des conférences que je donne. Mais ça fait partie de la naissance, de l'émergence d'une nouvelle race. Et présentement, il y a beaucoup de parents qui sont capables de reconnaître, de comprendre. Il y en a d'ailleurs là-dedans qui sont déjà eux-mêmes, Teflon. Puis il y a beaucoup d'autres parents qui ont de grands, grands problèmes avec ces enfants-là, des enfants aussi avec les parents, ou encore des enseignants, parce que justement, on ne veut pas reconnaître ce que l'enfant est. Est-ce qu'il existe une forme de réincarnation qui serait entre les deux? C'est-à-dire qui ne serait pas, comme dans le premier cas que tu as expliqué, qui est totalement dilué, mais qui n'est pas non plus un double éthérique, puis que tu réincarnes un bloc. C'est-à-dire que c'est totalement dilué, mais si, par exemple, tu as laissé sur la planète un vecteur qui t'attire, une bague, quelque chose comme ça, eh bien, nécessairement, il y aura des mémoires qui t'ont constitué qui vont venir. Et en plus, tu peux avoir un double éthérique à moitié constitué qui va lui aussi revenir s'implanter dedans. Donc, tu vas te rappeler ce que tu es beaucoup plus rapidement que si c'est uniquement un rappel des mémoires. Puis l'idée est de se rappeler de ce qu'on est pour pouvoir partir du même pied, partir de là où on a laissé le travail quand le corps physique nous a abandonné sordidement, hein, parce que c'est pas correct. Il n'a pas demandé. Ben non. Donc, tes questions. Combien de Gaulas y a-t-il en 1995 au Québec? Plusieurs. Mais c'est une question qui est un peu d'envergure. On va y répondre très brièvement pour revenir là-dessus un peu à un moment donné. Un Gaula, c'est un clone génétique qui est créé pour remplacer un être humain le temps qu'on transporte l'être humain ailleurs, soit pour le préserver, le sauver, préserver son intégrité physique pendant des apocalypses, par exemple, et ou encore pour finir sa formation. Quand on parle de formation, on parle surtout d'instruction. On lui donne de l'information. Et lui, il en fait ce qu'il en veut. Sauf que normalement, si on prend quelqu'un et qu'on le remplace par un Gaula, on prendra donc quelqu'un qui est considéré transportable, donc quelqu'un qui est suffisamment conscientisé pour ne pas être terrorisé devant ces choses-là, quelqu'un qui ne se mettra pas à genoux devant les extraterrestres, quelqu'un qui saura être un terrestre extra, et on pourra le remplacer par un Gaula. Et ça fait référence surtout soit à des conférences réservées aux séminaristes ou à une conférence que j'ai faite, c'est quand les extraterrestres vont intervenir. En 92, il y aura des humains québécois qui seront en contact avec de l'intelligence extraterrestre suffisamment concrètement. On ne parle pas des extraterrestres qui viennent en vaisseau actuellement, qui sont surtout des gardiens de mécanique intraterrestre, des gardiens de prison. Mais il y a déjà des contacts extraterrestres qui sont établis par la conscience supramentale avec certains individus. En 92, il y aura des contacts, des rencontres du troisième type, donc il y aura la création matérielle de transporteurs, parce qu'il y a effectivement des problématiques planétaires qui s'en viennent, et en 95, il y aura donc effectivement plusieurs individus qui seront restés sur le plan planétaire, mais qui ne seront plus les mêmes. Pour faire une référence rapide, Charles, par exemple, toi, je te rencontre, je te connais, sa femme le connaît, ses enfants le connaissent, puis subitement, eh bien, on trouve que Charles a légèrement changé. Il me semble quelque chose qui ne va pas. C'est plus Charles. C'est un Gaula, c'est un clone qui est là, qui a sa mémoire, qui maintient son âme, qui n'a pas son intelligence, mais qui a l'expérience de son intelligence, qui a la mémoire de son intelligence. Donc, c'est suffisamment Charles. Mais pendant les 5 années qui vont suivre, peut-être que Charles n'évoluera pas beaucoup. Et subitement, disons après 5 ans, peut-être après 6 ans, après 15 ans, subitement, tiens, là, il me semble, je le reconnais. Mais il a bien changé, c'est comme s'il avait muté, c'est comme s'il avait... Là, le Gaula est remplacé par le vrai. En 95, il y aura beaucoup de Gaula, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui diront, c'est drôle, gars, cette personne-là, là, s'est fait ramasser, puis il est arrivé ça, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Y en a-t-il présentement en 90? Non. Lorsque je passe sous certaines lumières, elles s'éteignent, d'autres s'allument. Je n'arrive pas à décoder ce qui, chez moi, crée cette situation. Qu'est-ce qui met souvent ces lumières hors d'état? Bon. Ce n'est pas important. Ça m'arrive souvent, moi aussi. D'ailleurs, la municipalité où j'étais, à un moment donné, ils m'ont demandé de déménager, parce que là, il fallait qu'ils remplacent toujours les lampadaires en haut. Vous voulez? On dégage de l'énergie vitale. Notre énergie vitale est une énergie qui perturbe. On est perturbé par les champs électromagnétiques. On perturbe les champs électromagnétiques. Dans certains moments donnés, notre aura vitale est plus rayonnante. On est stressé, on est heureux, ça dépend des situations. Et ce sont des résultats très, très secondaires de la présence de l'humain, de l'homme, de la femme ou de l'enfant. ça ne signifie rien, on ne nous parle pas par cela. En tout cas, si on nous parle par ça, ben, on a qu'à pas écouter. À un moment donné, ça forcera un peu plus, puis ils nous écriront carrément ce qu'ils veulent nous dire. On ne doit pas. Ça fait partie des choses qui sont naturelles chez l'humain. Chez l'humain qui se conscientise, comme chez celui qui ne se conscientise pas trop. C'est correct. Il y a des personnes qui vont attirer les oiseaux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement qu'ils attirent les oiseaux. Il y en a qui éteignent et allument les lumières. Ça signifie simplement que les lumières s'éteignent et s'allument à leur passage. L'être humain est beaucoup plus qu'un corps de matière qui se promène en dessous d'un trottoir ou dans une maison. Il y a Uri Geller, à un moment donné, lui, c'était pire que ça. Les choses revolaient à son passage. Bon, mais il ne contrôlait rien. Son interpréteur actionnel était très puissant. Il faisait de la télékinésie inconsciemment. Ça signifie absolument rien. Ça signifie simplement que l'humain peut faire plein de choses. Puis que l'humain ne le fait pas tout parce que l'humain ne s'est pas développé pour le faire. Puis parce que l'ego de l'homme, de la femme, de l'enfant vit de médiocrisme qui l'empêche souvent de développer des phénomènes paranormaux qui sont, quand on a une conscience plus PMC, qui sont tout à fait naturels et donc normales pour ceux qui le font. Qu'est-ce que la Fraternité Blanche et qui est son maître? Il y a eu plusieurs maîtres dans la Fraternité Blanche. Premièrement, il y a deux Fraternités Blanches. La première, c'est celle des Esséniens. Elle n'existe plus officiellement. Elle a engendré le prieuré de Sion, qui ont supporté une partie de la vision d'Adolf Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est des Esséniens de la Fraternité Blanche de l'époque que vont apparaître des sectes différentes comme les thérapeutes, les nazaréens, les nazarites et les gentils. La secte nazaréenne va donner naissance à Jéhoshua ben Joseph, Jésus, le fils de Joseph, et ça va engendrer une grande religion qui est celle du catholicisme, entre autres, et de toutes les religions chrétiennes qui y sont accolées. Peter Donnov, un autre personnage, à un moment donné, va ramener certaines choses et il va léguer ça à un ami, Mikhaïl Omram Ivanov, qui va engendrer une fraternité blanche universelle que l'on connaît aujourd'hui. On part du principe de l'amour, du principe de non-violence. La grande âme Gandhi, le Mahatma Gandhi, c'est la même chose, s'est mêlé un peu à un moment donné, il les a rencontrés un petit peu. Et alors, on aura une fraternité blanche universelle qui aujourd'hui diffuse les informations, surtout de Mikhaïl Omram Ivanov. Et c'est une fraternité qui diffuse des enseignements qui sont très pacifiques, qui sont blancs, qui sont spirituellement très élevés. Et qui ont une utilité fondamentale pour énormément d'humains qui évoluent vers la conscientisation sur la planète. Depuis quelques jours, je reçois de l'instruction par mes rêves. Est-ce que je m'instruis moi-même ou si on m'instruit? Bien, on vous instruit, sauf que si par la suite vous étudiez ce qu'on vous a instruit puis que vous pesez, vous vous instruisez à deux choses, à digérer et à juger. Mais les rêves... Avez-vous décidé des rêves? Non. Donc, on vous instruit. Il faut toujours faire attention avec tout ce qui provient du monde de la mort. Les voyages astraux, l'imagination, la pensée et le rêve. Des fois, ça a du bon. Quand ça a du bon, votre intelligence, vous pouvez le savoir. Quand c'est pas bon, on le refuse. Et si ça vient plein de belles lumières dans une belle robe blanche nous expliquer quelque chose, ça fait pas de sens, ça fait pas plus de sens. Et c'est ça qu'on doit faire attention. On ne doit pas se fier à la forme, on doit se fier au contenu. Est-ce que la lance de Longinus soigne toujours? Et si oui, doit-on la retrouver? Elle sera retrouvée. Certains personnages savent évidemment où elle est. La lance de Longinus, c'est la lance que Longinus, un centurion romain, s'est servi pour transpercer le corps du Nazaréen. Par la suite, dans une coupe de bois, on a récupéré le sang du Nazaréen et c'est devenu le Graal. Il y a toujours eu deux Graals. Un que les chevaliers de table ronde avec Arthur possédaient, et un autre qu'un roi, le roi du Graal, lui possédait la lance. Il a été blessé par la lance, et ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Arthur et de Lancelot, on sait qu'à un moment donné, Lancelot a une blessure sur le flanc. C'est une blessure qui est faite justement par Excalibur, mais qui est faite par la lance de Longinus, et c'est la même blessure que le Christ avait, ou le roi du Graal. La lance de Longinus a été possédée par Adolf Hitler. Tous ceux qui l'ont possédée ont pu diriger le monde. Et c'est le général Patton qui l'a retrouvée. Elle est aux États-Unis, à Fort Knox, bien cachée. Est-ce qu'on doit retrouver la lance? Ce n'est pas nécessaire parce que l'être humain doit devenir le Graal. Il ne doit pas rechercher le Graal. Quand on recherche, par exemple, si on regarde encore au niveau de la chevalerie d'Arthur, on recherchait la coupe du Graal. Pourquoi? Parce qu'on était tellement perdu en énergie, tellement perdu en conscience, que la seule façon de s'en sortir rapidement était de boire dans la coupe pour retrouver ce qu'on avait, ce qu'on avait perdu. Alors aujourd'hui, l'humain ne doit pas se lancer en quête du Graal, il doit devenir le Graal, qui est une forme de diamant, qui est une pureté, qui est une solidité, qui est une transparence. Il doit devenir de la conscience. Il doit devenir du Christ. Puis le Christ, c'est le terme alchimique pour définir l'énergie supramentale, l'intelligence active, l'esprit. Donc, on ne doit pas chercher la lance de Longinus ni la coupe du Graal. On doit en faire des films, c'est tout. Oui. Le mot était « Est-ce qu'elle saigne toujours? » Ah! Non, elle ne saigne plus. Est-ce que la lance de Longinus saigne toujours? Non, elle ne saigne plus. Elle ne saigne plus depuis près de 1000 ans. Parlant de 1000 ans, tu as parlé du Fort Knox, mais est-ce qu'elle est bien au Fort Knox ou est-ce qu'elle est ailleurs? J'ai des questions qui sont chenouk. Non, elle n'est pas à Fort Knox. Mais il y en a une à Fort Knox. Fort Knox, c'est une copie? Oui, puis il y en a une en Autriche. Non, ça, c'est l'original. Ah, ben ça, encore là, c'est revoir. C'est ça, c'est ce que je voulais. Je suis de plus en plus incapable de me joindre à des gens lors des conversations trop terre-à-terre, style mémérage inutile. Mais c'est pas une conversation terre-à-terre, c'est une conversation souterraine. Oui, les conversations terre-à-terre, il faut qu'on en fasse, c'est important. L'éducation des enfants, la santé, ce qu'on va manger, la finance, ça c'est de la conversation souterraine. Qu'est-ce que ce phénomène? C'est une maladie. Vous évoluez. Et puis ça s'attrape comme ça un jour, ça se guérit pas. Et à un moment donné, énergétiquement, on n'est plus en affinité avec le mémérage, justement. Ou le pépérage, hein, parce que ça va ses deux côtés. C'est simplement ça le phénomène. Souvent, on se dit, oui, mais si t'es si évolué, tu vas être capable de t'adapter. C'est faux. On peut comprendre. On peut tolérer. On n'agresse pas. On ne leur demande pas de changer. Mais nous, on ne peut plus le faire. Au Pérou, quand j'ai vu des individus manger des excréments à un moment donné, j'ai beau être bien évolué, mais... Tu peux être d'accord avec ce qu'ils font, sans nécessairement le faire. Je peux tout comprendre la mécanique. Mais je n'ai pas à leur dire que c'est pas bon. Eux, c'est la seule chose qu'ils ont à manger. Ils mangent des mouches, ils mangent des choses comme ça, ils vivent dans des tas d'ordures, puis aller leur dire qu'il faudrait qu'ils fassent d'autres choses. Ils n'ont pas la conscience pour comprendre, ils n'ont pas la conscience pour souffrir, donc ils n'ont pas la conscience pour comprendre. Et puis, si on leur demande de sortir de là, ils vont mourir. Il n'y a rien à manger. On n'a pas à se projeter, puis on n'a pas à se mêler d'eux. C'est évident qu'à un moment donné, si on aurait la puissance planétaire pour changer la situation, on changerait la situation, pas l'individu. Puis on lui laisserait le temps de lentement de changer. Tu mets des plus belles poubelles. Bon, puis pas grave. Oui, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. On le lave, un orteil à la fois, sinon on va le tuer. Et puis après ça, on lui donne certaines choses. Et puis à un moment donné, il trouve qu'on l'ambitionne, qu'on l'exploite, qu'il n'en donne pas assez, puis il en veut plus, puis il ne connaît pas la valeur des choses, puis il en gaspille, puis... Non! Il va attendre que la viande pourrisse pour la chercher dans la poubelle pour la manger. On a vu ça un peu avec certains Amérindiens ici, où ce qu'on leur donnait nos maisons, ils bâtissaient leurs igloos dans les maisons, ils montaient leurs tentes dans les maisons, faisaient des feux de bois dedans le salon. Puis là, on dit, ouais, mais ils sont bien niaiseux. Non, nous sommes inajustés. Ils ne sont pas niaiseux. Ils ont toujours été heureux comme ça. Puis là, subitement, il faut qu'ils prennent notre bonheur à nous. Ça ne marche pas. Alors, c'est... on parle donc de mémérage, on comprend la mécanique, et puis il vient un temps où nous, on ne peut plus le faire. Quand je dis de se tenir avec des individus qui ont au moins un calibre énergétique similaire au nôtre, ça ne veut pas dire d'aller faire du mémérage entre êtres humains conscientisés. Ça, c'est de la synthétisation. Là, on parle des mauvais, puis on parle des pas bons. C'est tout faux. Ils fabriquent nos automobiles, ils fabriquent notre linge. On a tous besoin de tout le monde. Il y en a qui sont le fer de lance, il y en a qui sont le bâton, c'est tout. Et à un moment donné, c'est tout à fait naturel qu'on ne puisse plus se tenir avec des individus qui ne font plus partie de notre schéma énergétique. C'est tout à fait correct. Ce qui n'est pas correct, c'est de ne pas comprendre la mécanique. Puis la seule façon qu'on aurait de se couper d'eux, c'est de chialer contre eux autres, puis les démolir. Puis les haïr à un moment donné. C'est comme si on a besoin d'une raison émotive pour ne plus être capable d'être avec eux. C'est parce que c'est du niaisage qu'ils font. C'est pas ça. C'est parce que notre communication est rendue à un autre niveau. Elle est un niveau différent. On ne parle pas de supérieur ou inférieur, mais c'est évident que c'est différent. Puis eux autres, ils se nourrissent encore, puis c'est correct. Les rejetés, de toute façon, ça sera plus du snobisme que de l'évolution réelle. C'est du synthétisage, effectivement, ça fait partie du snobisme de l'évolution. Où on comprend tout, puis on n'applique rien. Ça sert à rien. Je suis en médecine énergétique et récemment, c'est je rencontre... Grave, des choses qui arrivent. Ça peut se placer. Et récemment, je rencontre des gens qui font de la transe médiumnique. Dois-je les instruire de ce qui se passe avec les entités du monde de la mort ou me taire? Ne vous missionnez pas. Puis apprenez à vous taire, vous allez voir que ça rapporte karmiquement énormément. Dans l'évolution, vous aurez suffisamment d'ennemis. Faites-en pas plus. Non, les individus, ils font leur cheminement. Certains pourraient se dire, oui, mais c'est peut-être parce qu'ils m'ont rencontré justement pour que je les instruise. Non. Si vous posez des questions claires, vous répondrez clairement. Répondez pas plus, répondez clairement. C'est tout. On peut semer un petit peu, mais il faut vraiment pas trop embarquer dans le karma dans la vie des autres, parce que c'est pas bon. J'aimerais ça profiter de l'occasion pour que tu expliques le phénomène de conserver son énergie justement en n'apprenant pas ou en n'utilisant pas ce qu'on a appris pour aider les autres. Alors j'en profite. Qu'est-ce qui arrive quand une personne comme ça pourrait expliquer des phénomènes à quelqu'un d'autre, les comprend et puis se retient de le faire? Bon, c'est que bon, si on se retient de le faire, il y a un avantage. Il y a une partie de notre ego compatissant qui souffre. L'amour qu'il y a du cœur, l'intelligence qu'il y a du cœur, l'intelligence capable d'amour, elle sera capable de comprendre la mécanique, mais elle n'interviendra pas au nom de la mécanique. Bon, j'expliquais souvent que de temps en temps, quand on veut aider autrui, on les empêche d'apprendre par la vie ce qui pourrait les rendre solides. On les rend dépendants de nous. Et ce n'est pas correct. On a bien voulu faire, mais on a fait du mal en faisant le bien. Ce qu'on doit faire, bon, la personne, elle, justement, si elle ne communique pas ces informations-là, elle doit donc maintenant supporter son savoir. Et ça va faire en sorte qu'elle va créer une synergie à l'interne. C'est souffrant. Comme je dis souvent, partager, là, c'est bon, partager, mais c'est très mauvais aussi, partager. Il vous arrive de quoi de phénoménal, partagez-le pas. Vous allez avoir de la difficulté à dormir, oui, vous êtes bourré d'énergie. Cette énergie-là, gardez-vous du temps pour l'assimiler. Vous allez voir qu'après 2-3 semaines, ça va se calmer un peu, mais vous ne serez plus le même. Énergétiquement, vous êtes drôlement plus puissant. Et l'ego qui vit du médiocrisme, l'ego voudra quand même partager à quelqu'un. Il faut faire attention. Là, on a à un moment donné un savoir. On rencontre des individus qui peut-être ne savent pas trop. Ils peuvent nous plaire, en plus. Donc, c'est pour bien faire. Mais là, on va communiquer de l'information alors qu'on aurait intérêt énergétiquement à se taire. Si les individus posent des questions, on répond mentalement, mais on ne va pas dans un grand palabre. Parce que, premièrement, on peut facilement se prendre pour un maître, ce qui est très dommageable parce qu'on finit par évoluer uniquement pour autrui puis pour nous. Et on préserve une face, hein? On a des choses à protéger à un moment donné. La meilleure chose à faire, ça serait que dans certaines discussions ou conversations avec eux, ou encore vous poussez, quand je parle de semer, prenons l'exemple, moi, je suis médecin énergétique, j'entre en contact avec des personnes qui font de la transmédiumnique, et on en parle un peu, bon. Puis à un moment donné, je fais une pause, je les guéris de quelque chose, ou quelque chose comme ça, et puis je vais dire... C'est effroyable, hein? Le nombre de maladies qui peuvent apparaître uniquement parce que les individus, inconsciemment ou consciemment, sont en contact avec le monde de la mort. C'est une vraie farce. Puis là, je sors de la pièce, puis je vais aux toilettes, t'sais. Là, quand je ressors, ils vont peut-être vouloir prêcher eux autres pour leur paroisse. Mais là, moi, j'ai pas le temps de les écouter, là. Ah oui, vous pensez ça? Moi, ouais, ben ça, chacun son point de vue, t'sais, c'est peut-être très bon. Fini là. Je vais juste laisser entrevoir une porte, puis c'est à eux de prendre la porte ou de ne pas la prendre. L'individu qui dit « Hey, ce que tu as dit tout à l'heure, là, j'ai toujours pensé que ça pouvait être vrai, mais bon, lui est peut-être prêt. » Puis on s'en fait un ami. Puis un ami, on ne fait jamais d'un ami un disciple. Donc on n'en donne jamais trop. Prenez le temps. On est toujours bien pressé de communiquer ce qu'on sait, puis on perd beaucoup d'énergie. On devient une grande gueule. On parle beaucoup, on n'applique rien. Moi, je suis une grande gueule, mais vous savez que je parle juste en conférence. Allez pas voir ma femme pour vérifier. Parce que... Ça. J'ai rien dit, j'espère que j'ai pas pensé trop fort. Est-ce que les chiens se réincarnent eux aussi? Dans les chiens. Ça doit, parce que j'ai un ami policier, ça va s'en faire. Chance que mon ami policier pas ici? Oui, parce qu'il me tire. Non, pas à ce point-là. Du regard. Ah, bon. Est-ce que les chiens se réincarnent aussi? Car j'avais un Doberman mort en 87 à l'âge de 11 ans. J'en ai adopté un autre, même race, qui était âgé de 2 ans. Et je trouve qu'il fait beaucoup de choses que l'autre faisait. Est-ce possible? Bon, premièrement, juste petite chose. La personne, elle me dit que son Doberman qui est là fait des choses comme l'autre. Bon, est-ce possible? Oui. En plus, souvent, on connaît la réponse. Je le dis simplement parce que c'est important que vous sachiez. De temps en temps, la question est tellement bien posée que la personne se répond. C'est évident que son chien s'est réincarné dans son chien. La personne peut dire, oui, mais là, moi, je l'ai adopté. C'est même pas de ses lignées. Ce qu'on doit comprendre, c'est que dans le monde de la mort, les animaux n'ont pas... Bon, ils ont une âme, comme l'homme, comme les végétaux. Quand je dis comme l'homme, il faut s'entendre. Comme certains hommes, c'est bon. Mais l'âme, le chien, quand il meurt, il reste, il ne gagne pas le monde de la mort. Les animaux ne vont pas au ciel. Alors, les animaux restent dans des égrégores qui sont... Antiquement, on appelle ça des esprits de groupe. C'est ce qui fait que la majorité vont être grégaires ou vivre toujours de la même façon. Hein, j'ai expliqué à un moment donné un écureuil. Vous avez un écureuil et un bébé, puis quand il commence à se tenir debout, il a les pattes de la même façon, il a le même regard, c'est le même écureuil que tous les écureuils d'avant, parce que c'est le même écureuil. Alors, ils ne vont pas dans le monde de la mort, c'est-à-dire qu'ils incarnent immédiatement dans leur vivant. Un écureuil meurt, il est immédiatement dans un autre écureuil. Les chiens, c'est la même chose, mais les animaux qui sont proches de l'humain, leur petite âme va s'accoler à vous, c'est-à-dire qu'il se rapproche de notre âme à nous, et il reste là en végétation. À un moment donné, on adopte un autre animal, et progressivement, nous allons aider l'âme de l'animal qu'on a aimé à venir imprégner, à s'incarner dans l'autre. Si on a un chiot, ou encore un chaton, un petit animal, un bébé, très rapidement, notre animal qu'on a aimé va s'incarner dans l'autre, et facilement, il peut devenir exactement l'autre. Donc, dans le cas ici de la personne, elle a probablement le même chien. Oui. Ça va, je peux aller avec une de mes questions. S'il y en a qui ont des questions, j'en ai plus à lire, j'en ai à dire, mais s'il y en a qui veulent exprimer des questions, juste à lever la main, puis je vais les poser quand même au micro pour être sûr qu'ils sont audibles sur la cassette. Mais j'en ai une avant. Je vais en profiter parce que c'est moi qui t'ai là. On parle de réincarnation depuis 3 semaines. L'incarnation. La réincarnation, c'est de réincarnation de mémoire. Mais la conscience, l'intelligence supramentale, est-ce qu'elle s'incarne ou se réincarne? OK, il faut qu'on grimpe un peu plus haut. Grimpons. Bon. Très haut même. C'est une question, ça, de conférence spéciale. Alors, on fera un spécial. Tu reposes la question. La réincarnation, c'est la réincarnation. Ça, je m'en fous, la question va. OK. Bon. Ma question, c'est est-ce que... L'intelligence supramentale, est-ce que nous, en tant que conscience, on s'incarne ou est-ce qu'on se réincarne? Bon, on s'incarne. Ce qui doit être compris, on va faire un gros tableau. Bon, je ne dis pas que tout va être clair, mais ça peut. Le gros tableau, c'est que nous sommes présentement dans un contexte supra-universel, c'est-à-dire qu'il y a un contexte créationnel, il y a des super-univers, il y a des univers, il y a des galaxies, il y a des systèmes solaires, des systèmes planétaires. Nous sommes dans un monde refroidi. Dans ce monde refroidi, c'est un monde qui, par effusion, a été engendré. Chaque fois qu'il y a une effusion, il y a une apparition de quelque chose qui finit par être de la supra-énergie, de l'énergie et finalement de la matière sous différentes formes. Dans les contextes planétaires comme le nôtre, nous sommes descendants. La planète au complet et nos corps physiques sont constitués à même des molécules, des atomes plutôt, qui ont été créés à travers l'explosion de différentes supernovas voilà quelques milliards d'années. On est dans un monde refroidi, très effusé, et il arrive ceci. Il arrive qu'il y a de l'intelligence, je passe un peu sur le détail de ce que c'est. C'est une mécanique totalement intentionnelle qui, elle, est prévue dans un système créationnel qui, lui, est accidentel. Donc, la création est accidentelle. Le rôle de l'homme, c'est de résorber la création. Alors, théologiquement, on dit de retourner vers le centre source, de retourner vers le Dieu créateur, c'est de résorber la création. Quand l'homme aura fini de passer, la création n'aura jamais existé. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'intelligence, donc l'esprit, elle procède premièrement de l'intentionnalité. C'est la seule chose intentionnelle dans le système créationnel. Disons ésotériquement, on parlera du plan divin. Mais ça n'a rien à voir avec les dieux créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme, placés dans le ciel. Bon, c'est un des derniers paliers des cieux. Maintenant, quand on parle de l'intentionnalité va engendrer de l'intelligence. L'intelligence va avoir la capacité d'être supportée par la matière. Sauf que pour être supporté par la matière, l'intelligence doit cheminer, elle doit traverser premièrement un plan qui est le plan qu'on appelle le plan de l'amour, le plan bouddhique. le plan du Fils, elle doit traverser un autre palier des cieux qui est le plan de l'intelligence supramentale, et elle doit par la suite pénétrer les plans planétaires, les plans humains, donc les plans qui ne sont pas extraterrestres, le plan du mental, le plan de l'astral, la psychologie, le plan du vital, le plan de la matière. L'intelligence, c'est notre esprit. Mais on peut considérer que présentement, dans la partie incarnée, il y a un doigt, un petit doigt de l'esprit dans l'être humain. Mais c'est même vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'on va considérer, disons, qu'il y a une main. Mais la main, lorsqu'elle approche de la planète Terre, le contexte planétaire, ainsi que l'évolution des corps physiques de la race humaine est tellement faible que la main doit se scinder en plusieurs doigts et aller dans plusieurs corps. Chacun des doigts pourra dire « Je suis le frère ou la sœur en esprit de tel autre individu. » Ils sont reliés en esprit par le même faisceau. Il y aura différents faisceaux, donc tout le monde n'est pas frère et sœur en esprit, plusieurs le sont. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans ces mondes refroidis, il y a eu une intervention élohimique. Des Élohins, ce sont des mécaniques au niveau universel, donc reliés à un univers et non pas à un super-univers, qui, eux, ont comme fonction de fouiller les mondes refroidis, travailler la matière des mondes refroidis, créer des structures qui, à un moment donné, pourront contenir de l'énergie sous forme de mémoire, donc de l'âme, travailler génétiquement ces structures pour qu'un jour, ils puissent contenir de l'intelligence qui, elle, viendra habiter le corps, viendra extirper la mémoire dans l'âme, donc transformera la tradition en eau vive, en intelligence, pour pouvoir créer des mécaniques qui permettront d'associer la plus refroidie des expressions créationnelles, la matière, le plan vital, le plan astral, le plan mental, et le plus réchauffé des systèmes créationnels, l'intelligence active, donc l'intentionnalité. Maintenant, pour que cela se fasse, il y a donc une intervention élohimique. L'Atlantide, et ça se continue un peu présentement, où on a présentement des interventions d'extraterrestres élohimiques qui viennent ramasser de la génétique chez certains individus pour la replanter dans d'autres systèmes planétaires au cas où la mission planétaire de l'humain manquerait. Bon, pour qu'on reparte avec des êtres humains, des clones, qui sont déjà, n'ont pas évolué astralement, qui n'ont pas l'évolution astrale, mais ça, on va leur donner par programmation, mais qui ont déjà une solidité physique, notre race à nous, la race blanche neuronique, pour pouvoir continuer dans d'autres contextes, une évolution, mais les individus, évidemment, qui prêtent leur génétique, eux ne se réincarneront pas là, c'est leur corps physique qu'on va reconstituer. On ne leur dit pas. Maintenant, ce qui arrive donc, c'est que présentement, il y a donc des corps physiques suffisamment avancés dans ces mondes-ci. Les corps ont présentement une évolution à travers quelques millions d'années de race humaine, des milliards d'années au niveau moléculaire et atomique. Les corps ont suffisamment d'évolution présentement pour que de l'intelligence puisse, d'une façon plus concentrée, commencer à venir s'installer par ce qu'on appelle un ajusteur de pensée, qui lui va servir de tampon entre l'information supramentale et l'information traditionnelle réincarnationnelle, donc de tampon entre notre pensée et l'information réelle. L'ajusteur de pensée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va progressivement altérer notre façon de penser pour nous faire penser ou nous faire conscientiser les choses vers un système de réalité plutôt qu'un système de coloration de réalité qu'on appelle la vérité ou d'un système de coloration de la vérité qu'on appelle le mensonge. Tout cela fait partie du monde de l'illusion. L'intelligence supramentale va donc, elle, s'incarner chez l'humain. S'incarner veut dire quoi? Veut dire qu'elle vient, elle a envoyé à un moment donné des émissaires. Il y a eu des forces élohimiques. Par la suite, l'intelligence, nous avons, mais nous ne le savons pas parce que nous exprimons que de la mémoire et de l'habitude, nous avons envoyé des émissaires qui vont prendre la matière, créer des choses. Nous avons envoyé par la suite des mécaniques qui vont gérer légalement les créatures des Élohins. Ça sera des mécaniques géoviques. Les forces géoviques vont implanter des lois drastiques. Tu fais ceci, paf, on te tue. Tu fais cela, tu es récompensé. De façon à ce que les animaux qui n'ont pas de conscience puissent être bien dirigés dans le laboratoire vers quelque chose. À un moment donné, on va envoyer des forces yaviques. Les forces yaviques, elles, vont venir adoucir les forces géoviques. Elles vont venir adoucir les lois. Le œil pour œil, le dent pour dent, on te coupe une main, si tu fais ceci, on vient adoucir. Et on va engendrer l'idée de compassion. Donc, on va permettre à l'être humain, qui présentement a une âme par l'expérience mémorielle qu'il a eue sur le plan planétaire, c'est un être expérientiel, ce n'est pas un être existentiel, et on va lui permettre de vivre à un moment donné d'astralopathie, de psychopathie, mais pas dans le sens maladie, dans le sens sympathie, dans le sens symbiose, et les individus pourront commencer à être collectivisés. Collectivisés dans une conscience d'amour, de paix, de pacification, d'entraide. Cela va permettre le développement d'une phase spirituelle beaucoup plus avancée qui se rapproche d'une copie de l'écologie de l'intelligence. Maintenant, quand on en arrive là, il y aura eu des forces melchisédiennes, des catalyseurs de l'évolution qui vont se pointer. Ils vont rencontrer Moïse. Il y aura eu des avatars qui vont, à un moment donné, aussi être amenés. Le plus puissant a été une effusion michaélienne qui a engendré le Nazaréen. Il y a eu Siddhartha Gautama, il y a eu plusieurs Bouddhas, à un moment donné, ceux qui sont réveillés, qui sont apparus. Il y aura eu par la suite des personnages qui auront été reliés au plan bouddhique, le plan de l'amour, et au plan humain, sans le contact supramental. Eux vont devenir des martyrs. Alors, on aura le Mahatma Gandhi, on aura plusieurs martyrs qu'on connaît au niveau de la religion, qui, eux, étaient capables d'un amour extraordinaire, mais ils ont souffert tout le temps de leur amour, parce qu'ils n'étaient pas préservés par de l'intelligence, capables de structurer une écologie dans leur vie, de façon à ce que les mécaniques archangéliques qui gouvernent les masses ne puissent pas les agresser. Alors, bon, finalement, on en arrive aujourd'hui à l'évolution de la sixième race mère, alors que la race teutonique anglo-saxonne, dont on descend génétiquement, est la cinquième race mère, et la cinquième sous-race de la cinquième race mère, qui est la race indo-européenne. Alors, on est à l'émergence d'une nouvelle race. Dans cette race, il y a effectivement une réincarnation de mémoire expérientielle du passé, et il y aura incarnation de l'esprit dans plusieurs décors. L'incarnation de l'esprit se fait premièrement par l'anégoïsation, donc on doit faire fondre l'ego. L'anégoïsation veut dire qu'on devient humble, mais d'une humilité qui ne se vante pas. On devient transparent. Autrement dit, on ne peut plus compter de mentir. Quand on a quelque chose qu'on doit dire, on le dit. Oui, mais les autres, ils vont penser, c'est leur garde, ça leur regarde, c'est leur vie de pensée. Ils sont manipulés à penser qu'ils pensent. Alors, on finit par imposer implacablement une nouvelle structure d'énergie. On va réinventer le monde des affaires, réinventer le monde politique, réinventer le monde social, tout au complet, parce que tous ces mondes sont uniquement investis de personnes qui se mettent des masques, qui, c'est de la politique en affaires, de la politique en médecine, ce n'est que du mensonge partout, pour préserver la face. Alors que dans ce qui s'en vient, lorsque l'esprit commence à s'incarner, donc ce n'est pas une deuxième fois, c'est l'incarnation, l'esprit vient, on parle du retour du Christ, l'énergie christique s'est incarnée dans le corps de Jésus, ce qui a donné Jésus-Christ, ça vient. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être avec des yeux bleus. On n'a pas besoin d'être des individus riches. On a besoin d'être des individus capables d'accepter du neuf. Alors, il n'y a pas une personne présentement sur le plan planétaire qui peut dire « Je suis l'un de ceux-là ». Même qu'il y en a plusieurs qui disent « Moi, je n'en suis pas un », puis qui un jour vont se réveiller très surpris. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que l'individu a créé qui va déterminer ce qui sera, c'est ce que l'individu est capable de vivre à l'interne. Alors, l'individu est un grand chialeux, mais il sait que c'est con. Alors, il est investi d'un ego qu'il possède, mais à un moment donné, l'individu peut être extrêmement conscientisable. Alors, à un moment donné, il y aura une incarnation d'esprit. Quand l'incarnation se fait, elle se fait par le biais d'un double éthérique. C'est essentiel. C'est-à-dire que pour que l'incarnation de l'esprit puisse se faire, l'individu doit avoir suffisamment d'anégoïsation, suffisamment de transparence avec lui-même. Donc, il cesse d'avoir des guerres à l'interne. Je ne sais pas si je dois y aller ou si je ne vais pas. Tu prends un maintien saine, tu sais, c'est pile, j'y vais. En dedans, ça va continuer à se battre, sainte merde, j'y vais quand même, je sais rien qu'être clair en dedans. L'individu prend son corps et le bouge. Et dans les années qui viennent, ça va être de plus en plus évident et faisable de prendre son corps et de le bouger. Tu es malade, trouve une raison intelligente d'être en santé, tu vas guérir. Pas de raison émotive. Alors que dans l'ère ancienne, il fallait qu'on t'aime, il fallait que, bon, il y a les raisons émotives, ça pouvait fonctionner. Le processus du miracle va être de plus en plus évident parce qu'il y aura de plus en plus d'esprit dans certains individus. Eux vont dominer le monde de la mort. Ils vont gérer le monde de la mort. Il va se passer donc plusieurs choses à ce niveau-là. L'individu doit donc avoir un double éthérique. Le double éthérique apparaît quand même. On n'a pas besoin de savoir si on a un. À un moment donné, notre parole s'ajuste. Notre pensée commence à disparaître pour être remplacée par une parole interne. Je ne pense pas, je parle. Tout à l'heure, je lui ai demandé de répéter la question. Pourquoi? Parce que ce que je vais répondre, je ne le sais pas. Sa question, qu'est-ce que c'est? Sa question, c'est de l'énergie. Je me sers de l'énergie de sa question pour pouvoir la placer juste après mon ajusteur de pensée. Et là, je vais aller chercher de l'énergie, de l'information supramentale, par le biais de son double éthérique et du mien. Pourquoi c'est sa question à lui? Donc, je me sers de ses contacts à lui. Il n'a pas encore la capacité de tout donner comme moi. Il a la capacité, par contre, d'innover dans la question, poser des questions qui sont d'une envergure à faire souffrir les philosophes. Et posant la question, je me sers de cette énergie-là, je vais fouiller, je laisse passer l'information et je la communique. Maintenant, en la communiquant, je la filtre. C'est-à-dire que je communique l'information, mais je ne gobe pas tout ce que je dis. Je suis mon maître. L'information passe, je l'écoute par mes oreilles et je vérifie ce que ça donne. Donc, je peux, par exemple, certains séminaristes me posent des questions lors des conférences réservées aux séminaristes. Dans ce que tu as dit, il me semble qu'il y avait un pourcentage, c'était du fluff-là. En réalité, que c'était pour cimentait des choses que tu as dites parce que tu n'as pas tout dit. Alors moi, je lui réponds, oui, tu as raison, et je sais lesquelles. Puis peut-être tous les deux ou d'un petit groupe de personnes énergisées, on pourrait aller plus loin encore. L'esprit vient, l'esprit doit toucher le double éthérique. Ça crée une bilocation de conscience. J'ai une conscience extraterrestre et une conscience terrestre. Donc, je peux connaître la mécanique galactique, mais je peux connaître aussi comment l'humain vit. Je peux connaître, je peux comprendre les problématiques de l'humain. Je ne peux donc pas détester l'humain. Je ne peux pas maudire une religion parce que j'en vois l'utilité. Humainement parlant, je reste humain, avec une conscience globale qui englobe beaucoup plus, parce qu'il y a l'esprit qui commence à toucher. Les individus vont être capables de plus en plus de faire cela, mais pour cela, ils doivent connaître des mécaniques. Il y a des mécaniques qu'on explique au niveau des conférences, qu'on explique souvent. Quand une personne, par exemple, me dit, c'est drôle, mais ça fait, je viens à tes conférences, et après plusieurs conférences, j'ai l'impression que de temps en temps, tu répètes les mêmes choses. Ben écoute, c'est évident que je répète les mêmes choses. T'as rien qu'à faire mon séminaire, ça va chercher du neuf. Après ça, tu tiendras aux conférences réservées aux séminaristes où on répète rien. Mais c'est évident qu'on peut pas toujours aller vers du neuf parce qu'on exclurait tous les nouveaux à un moment donné. C'est évident que quand quelqu'un vient pour la première, deuxième ou troisième fois, on part déjà sur un niveau, c'est sûr. On part pas non plus d'en bas. Mais les individus, progressivement, vont devoir apprendre à supporter le neuf. Alors, quand on commence à répéter, on passe à l'étape qui suit suivante. On revient plus où on revient. Il y a toujours de quoi apprendre, évidemment, parce qu'on répète des choses, mais il y a toujours des petites... Tant que j'apprends d'une conférence, j'en fais. Donc, il y a des choses à aller chercher aussi, au niveau énergétique, au niveau de l'information. Progressivement, l'esprit va donc aller chercher l'individu qui est capable de supporter sa parole. Ça veut dire que vous devez commencer à cesser de vivre le médiocrisme, comprendre à 100 000 à l'heure qu'on est coupable de rien, mais qu'on est les instruments par lesquels on va accomplir des choses. Le mal comme le bien. Ah, j'ai réussi, ça a bien fonctionné. Pas de notre faute, ça aurait pu aussi bien planter. Puis quand ça plante, hein, j'aurais pas dû faire ça. Non, on n'est pas responsable de nos actes. On va devenir intentionnel, mais si je ne suis pas responsable de mes actes, ça veut dire que, premièrement, je ne peux pas vivre la culpabilité, ce qui me donne de l'énergie, je cesse d'en gaspiller. Deuxièmement, je suis capable de comprendre que je n'ai pas de libre arbitre tel que les archétypes yavik et jéhovik l'ont enseigné ou l'ont inculqué dans la conscience humaine, ce qui fait que je peux appliquer des lois neuves, ou lorsque j'ai à trop travailler, je n'y vais pas, c'est pas mon chemin. Bon, puis si ça a à être, je mets le minimum, puis ça va venir. Fais les premiers pas, le ciel t'aidera. Qui applique ça? Personne. Ils font tous les pas, puis espèrent que le ciel va être d'accord. Mais ça ne fonctionne pas. Ça fait partie encore de l'évolution sacrificielle, l'évolution méritoire. L'individu commence donc à appliquer certaines choses parce que l'ajusteur de pensée vient ajuster ce qui se passe chez lui. Et maudit que c'est laid. Puis en dedans, en même temps, ça... Tu sais, bon. Il n'y a rien qui se dit. Mais, ouais, en tout cas, bon, on s'est compris. Puis à un moment donné, ça va être « maudit que je chiale encore pour rien ». L'ajusteur vient carrément d'ajuster la pensée, puis ça vient d'instruire l'individu. Ça en allait dire « et maudit que c'est laid, et maudit que je chiale encore pour rien ». Progressivement, l'individu qui applique va s'en égoïser. S'en égoïser ne veut pas dire qu'on devient plus pacifique, hein, qu'on devient plus patient. On doit comprendre qu'on doit le devenir, mais j'ai déjà expliqué que c'est comme si notre ego, c'est un charbon ardent entouré d'un paquet de papier d'aluminium. Quand on s'en égoïse, on fait fondre l'ego. On prend du papier d'aluminium, on l'ôte, on en fait de l'énergie. Mais plus on ôte du papier, plus la chaleur du centre de l'ego rayonne. Alors plus on évolue, plus on devient pénible à vivre. Alors on se dit, crime, j'évolue pas. Je devrais, me semble, être plus pacifique, être plus patient. On va devenir plus patient et on doit le savoir que c'est pas brillant. Mais plus on ôte des enveloppes de papier d'aluminium, plus la boule devient chaude. L'ego devient puissant, maudit. On est comme plus irritable. On devient plus sensible. On perçoit plus. On est de plus en plus intransigeant. On ne peut plus tolérer la politique entre la réalité et la vérité. Entre la vérité et le mensonge, on pourrait dire, il n'y a plus de juste milieu. C'est ou ce n'est pas. Et on doit, par contre, on grossit le corps mental, donc on peut contrôler, mais à l'intérieur, de temps en temps, on aura le bol. On n'est plus sur la bonne planète, on n'est pas dans le bon temps, plein de symptômes qui apparaissent, alors qu'on doit rester. Et progressivement, ça va créer le double éthérique. Le double éthérique, progressivement, lui, va traverser le monde de la mort, traverse la conscience mentale de l'humain, traverse toutes les sphères spirituelles et va se reposer dans le plan supramental. Là, l'esprit commence à pénétrer à l'intérieur. Par l'ajusteur de pensée, elle vient persévérer dans la négociation. Et là, l'individu commence à vivre une phase de transparence qui va effectivement l'amener à être de cette nouvelle race. Il y a des choses ne changent pas immédiatement. Progressivement, il va vivre une mutation physique qui va le dissocier des génétiques de ses parents. Il sera rené. Il sera né une deuxième fois. Et il sera le père et la mère de son corps physique. Donc, il ne sera pas génétiquement ou réincarnationnellement relié à rien de ce qui s'est passé sur le plan planétaire. Ce sera un être humain neuf. Il se sera mis au monde. Maintenant, quand on en est là, l'esprit, elle, commence à s'incarner, il s'incarne de plus en plus, et là, il va y avoir un rapprochement avec le double éthérique qui va venir se toucher le corps physique, et on parlera de processus de fusion. L'individu est vivant, le double éthérique descend, et là, il y aura un processus de fusion qui va durer plusieurs années. Le double éthérique, lui, à ce moment-là, il sert de filtre pour pas que l'énergie brûle le corps physique? Ou? Exact. Et quand le double éthérique est suffisamment grossi, quand l'âme est suffisamment peu pour être transparent, qu'est-ce qui fait que ça va brûler? C'est que je prends un fil électrique très gros, je fais passer un courant là-dedans. S'il y a une résistance dans le fil, ça va chauffer. Si l'ego est là, on n'est tellement pas transparent. On se ment, on ment, tout, on ment. Puis on n'a pas à se culpabiliser. L'ego est bâti comme ça. On se cache, on se camoufle, on veut rien savoir, on a peur, on ferme tout. Si l'intelligence descend là-dedans, c'est tellement bourré de résistance que tout saute. Alors, il y a l'ajusteur de pensée qui travaille avec l'ajusteur psychologique, l'intellect. L'ajusteur de pensée, lui, c'est entre le plan mental et le plan supramental. L'ajusteur psychologique, l'intellect, c'est entre le plan mental et le plan psychologique, le plan astral. Et tout cela va ajuster les choses pour nous laisser le temps. Ça va jamais assez vite. Ça va suffisamment vite. Bon. Et progressivement, l'ajusteur de pensée, lorsque le corps physique est totalement transparent, lorsqu'il y a une pureté, il n'y a plus de danger à ce que l'intelligence descende, le double éthérique vient se fusionner, et là, l'individu est totalement christifié, il devient donc espiritisé. Il est. Mais nécessairement, il rayonne depuis déjà un grand bout de temps, hein? ça va se savoir en masse. Et ce rayonnement, au départ, c'est ce qui va faire en sorte que dans la Bible, par exemple, on dessinait toujours un halo lumineux autour de la tête du Nazaréen, ça rayonnait de tout partout. On l'a, par la suite, amené certains apôtres. Bon, parce qu'il était saint. L'incarnation, c'est quelque chose comme ça. Et du point de vue, on pourrait aussi parler de la résurrection à un moment donné, qui est quelque chose qui va arriver aussi, mais pas tout à fait comme les gens l'ont appris. L'incarnation, c'est quelque chose qui est en opération présentement, qui va se poursuivre encore pendant quelques années, évidemment. Plus il y aura d'humains qui vont s'incarner, plus ça va être. Et c'est pourquoi, à un moment donné, on aura la récupération de l'émotivité de tous les humains, de toutes les humanités, depuis la création du plan planétaire. Tout ça va se fusionner, assembler esthétiquement, harmonieusement, dans 144 853 corps physiques. C'est quand même dans quelques années. Bon. Et l'être humain doit comprendre que c'est une grosse problématique souvent pour les personnes. La question, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une question, disons, en caractère plutôt aux conférences spéciales. L'humain, la problématique qu'il a souvent, c'est qu'il s'identifie tellement à son ego qu'à chaque fois qu'on parle d'améliorer l'ego, l'ego a peur tout de suite. Alors, c'est comme si on avait une porte, on veut absolument traverser dans l'autre pièce, on a une peur folle de traverser. Alors, il y a notre intelligence qui nous explique des choses, puis il y a l'ego qui est deux mains pognées sur le bord du cadre-porte qui ne veut rien savoir, puis en même temps, on veut avancer. Ici, d'un côté, l'ego sait que c'est mieux, mais de l'autre côté, comme il ne sait pas, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas cru. C'est qu'il le sait vibratoirement parce que l'intelligence l'informe, votre intuition elle nous dit des choses. Mais parce qu'on ne l'a pas expérimenté, ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est pas dans nos traditions. Regardez, un être humain, comment c'est l'ego? Une soucoupe volante, un aéronef, un vaisseau spatial atterrit sur le toit du Holiday Inn Richelieu. Un vendredi soir, par exemple. Un vendredi soir. Tout le monde le voit. Et là, il y a un extraterrestre habillé d'une façon particulière, pas humaine. Avec une façon particulière, qui descend et qui vient dire aux gens ce que je viens de dire. Même ceux qui n'ont pas ce qu'il faut pour comprendre, on aurait du monde, ça le croirait tout. Pourquoi? Uniquement à cause de la forme. Puis si un être humain sort de son sous-sol à un moment donné, vient dire la même chose, ça ne passe pas. Ça, c'est un gros, gros problème. Parce qu'au lieu de reconnaître la valeur énergétique de ce qui est dit, l'ego veut toujours reconnaître la valeur endoformique de celui qui le dit. Si c'est le pape, on l'écoute. Si c'est un petit prêtre, on ne l'écoute pas. Le prêtre qui dit, par exemple, que la femme ne doit pas se faire avorter, on le trouve tapette. Le pape qui le dit, il y a plusieurs personnes qui disent que ça a de l'allure maintenant. Puis quand on va changer de pape, le pape va peut-être dire la femme peut se faire avorter. Les prêtres qui... Tu sais, bon, c'est toujours une question d'autorité à qui on l'apporte. Et c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de personnes ici dans la salle qui ont suffisamment d'autorité chez eux. Mais ils la reconnaissent pas, évidemment, parce que ils regardent leur ego, puis qui suis-je? L'intelligence ne vient pas avec des éclats. L'intelligence ne vient pas avec dans une boule de feu, ça ne vient pas dans une soucoupe volante. Il y aura à un moment donné des mécaniques de transport pour préserver certains humains. Mais uniquement les humains qui n'ont pas besoin de véhicules de transport pour croire que. Ce sera les humains qui vont savoir que. Pareil, ils vont être capables d'être suffisamment transparents avec eux pour être capables de reconnaître que leur intuition elle est totalement réelle. Ce sont des êtres humains qui n'auront pas besoin, et ça va se former dans les années à venir, ce sont des êtres humains qui n'auront pas besoin de se le faire dire. Ce sont des êtres humains qui vont le savoir et qui vont être capables de supporter leur savoir parce que, justement, ils vont être en train de s'incarner. Quand je parle de s'incarner, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous incarner. La problématique, c'est que présentement, vous êtes dans un paquet de corps physiques. Et chacun de ces corps-là a un ego qui a mémorisé l'expérience de votre présence. Et parce que chacun des corps physiques a une vie différente, chaque corps physique finit par s'identifier à des êtres différents. Et quand on dit qu'à un moment donné, il y aura 144 853 corps physiques, c'est les faisceaux exprimés sur le plan planétaire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oui, mais moi, je fais partie du 5 milliards, 283 millions d'individus. » Je ne sais pas, c'est, nécessairement, ça veut dire qu'il va y avoir une fusion de plusieurs individus. Qui va être le boss? C'est encore une problématique au niveau de l'ego. On est tellement centré sur ce que nous sommes mémoriellement qu'on ne peut plus reconnaître ce que nous sommes instantanément. À un moment donné, vous allez être avec quelqu'un, puis vous allez vous entendre avec lui, c'est à merveille. Vous êtes probablement le même esprit. Puis, et mémoriellement, égoïquement, on a deux choses. Puis, si vous êtes capable de vivre très transparent l'un envers l'autre, puis qu'un jour on vous dit, seriez-vous capable d'accepter une union illimitée? Qu'est-ce que c'est? Au lieu de, parce que l'humain est toujours une union qui est limitée. Bon. Quand il meurt, il se sépare, etc. Une union illimitée, ça va être qu'à un moment donné, vous allez accepter de vous fusionner les deux. Vous allez être un. Si les individus sont suffisamment transparents et qu'ils sont en énergiopathie, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y aura, même l'ego ne vivra aucune souffrance. Mais l'ego, ce qui se dit, « Oui, mais écoute, moi, je ne vais pas me fusionner avec l'autre, là-bas, oui. Ben » oui, mais si tu n'entends pas avec lui, tu ne te fusionneras pas avec lui non plus. C'est que l'ego ne comprend pas le principe. Puis plus on va purifier les cochonneries, les cochonneries, il y en a en masse, mais plus on va les purifier, plus on va rencontrer des individus avec qui on est drôlement bien, qu'on se parle ou qu'on ne se parle pas. Et là, on va être transparent, on ne se ment pas. On aura les mêmes goûts au même moment, on est la même personne. Et c'est ça, vous. C'est ce que l'homme est, ce que la femme est. C'est pas un corps physique, c'est un paquet de corps physiques qu'on est scindé, effusé. Ça veut dire que tous ces corps physiques-là, est-ce qu'ils sont attachés au même double éthérique? Non. Ils ont chacun un double éthérique? On a chacun un double éthérique. On devra fusionner avec son double éthérique et progressivement, il y aura des contacts qui vont se faire au niveau supramental. Il y aura des contacts qui vont se faire au niveau des plans extraterrestres, donc les plans supramentaux. On ne parle pas des individus extraterrestres, c'est pas la même chose. Hein, le soleil, c'est extraterrestre. Ça a l'air réellement extraterrestre. Ça ne veut pas dire que c'est une seconde volante, l'affaire. Il faut comprendre l'idée. Les planètes, c'est extraterrestre, c'est pas terrestre. Alors, l'individu, par la suite, comme Aurobindo et Mère ont fait à un moment donné, ils se sont rencontrés dans le plan supramental, ils se sont rencontrés, ils se sont donné rendez-vous quelque part sur la planète. Les deux, comme ça, banalement, tu sais, Aurobindo est allé voir, mais puis Mère est allé voir aussi. Ils se sont vus, ils se sont reconnus. Il faut le faire. Mais il faut y aller de temps en temps. Hein? Si l'un des deux, il serait pas venu, les deux auraient dit, je savais, je me faisais charrier. Puis si les deux seraient venus, puis les deux ne seraient pas reconnus, ou si ce serait fait charrier, tant qu'à se faire charrier, aller voir un mauvais film, on peut aussi aller voir si on n'a pas raison là-dedans. C'est pas plus grave que ça. C'est pas un échec, on n'a rien à faire, on est manipulé. Bon. Et les deux se sont rencontrés là, ils ont décidé de vivre ensemble, ils sont parvenus à vivre une symbiose, puis finalement, ils se sont fusionnés ensemble. Alors, Aurobindo est parti, Mère est restée un bout de temps, Mère est partie aussi, puis ils sont fusionnés. C'est un être humain maintenant. Et ça fait partie des choses qui sont convenables. Ce qui va arriver à l'humain. Parce que chaque être humain est investi d'un ego qui a extrêmement peur, parce que l'ego ne comprend pas, l'ego est uniquement de la mémoire, vous êtes déjà vos parents, vous êtes votre mère, vous êtes votre père, vous êtes vos arrière-grands-parents. Vous avez des similitudes physiques, vous avez des comportements similaires. On est déjà mélangé. Mais parce qu'on est habitué à notre mélange, on est correct. Bon, à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous impressionner. Vous allez même finir par adapter des choses de lui. Mais encore une fois, vous venez de réincarner de ces effluves par imprégnation. Puis ça fait pas mal. s'il y a trop d'intelligence qui s'incarne par rapport à la capacité du double éthérique de filtrer l'intelligence qui rentre. Est-ce qu'il arrivera pas, là? Mais OK, disons, oui. Ben, est-ce que ça pourrait pousser vers le suicide, le vide existentiel? Non, Est-ce que y a une mécanique énergétique comme ça, trop puissante, qui peut expliquer qu'à un moment donné, les corps physiques veulent sauter en bas d'un pont parce que l'ego... Le corps physique veut pas sauter. Ce qui arrive simplement, c'est pas que... Pas le corps qui veut sauter, là, mais... C'est ça. Il y a, dans le corps physique, il y a l'âme. Dans l'âme, il y a l'ego. L'ego est relié par le canal réincarnationnel au monde de la mort. Il y a un ajusteur de pensée qui est relié au canal réincarnationnel. Bon, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, à un moment donné... Si un jour, ça vous adonne de faire le séminaire, on dessinera, vous verrez bien. C'est assez facile à comprendre avec des dessins. Mais c'est pas parce qu'il comprend pas, il faut que j'explique. Vous comprenez? Bon. Alors, il arrive simplement qu'à un moment donné, il y a de l'information qui rentre. L'ego essaie d'appliquer certaines mécaniques initiatiques qui n'y sont pas prêtes pour lui. C'est un jeu snob qu'il veut faire. Et dans ces techniques-là, s'il ne les fait pas convenablement, il peut étrangler le canal réincarnationnel. Étranglant le canal réincarnationnel, il n'y a plus d'informations stimulantes qui rentrent chez lui. L'ajusteur de pensée étant relié au canal réincarnationnel avant l'étranglement, il n'y a plus de stimulation. Alors, progressivement, l'individu astralement, égoïquement, psychologiquement perd le goût de vivre, le goût d'aller travailler, puis le goût de manger, il finit niaiseux, puis le goût de dormir, puis le goût de rien faire. Et parce qu'il n'y a plus d'informations qui rentrent à l'intérieur, l'ego commence à s'oublier en mémoire. Donc, l'ego commence à mourir. Parce que l'ego commence à mourir, l'ego décide de vivre. Et la façon de vivre, c'est de tuer le corps physique pour réintégrer le monde de la mort. Et là, ça pourra créer une arme tueuse. Ça pourra amener l'individu à se suicider dans un cheminement évolutif. Alors que tout ce qu'on aurait à faire, ça serait de faire en sorte que l'individu, tout ce qu'il aurait à faire, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre de temps en temps pour parler. Puis à l'instant qu'il commence à parler avec lui, il arrive au niveau mental, ça réchauffe l'ajusteur de pensée. Puis là, ça va restimuler l'ego, puis tout va bien. Sauf que c'est un danger si l'individu n'est pas bien paramétré, parce que de psychologique, il peut passer à spirituel. Le spirituel, il peut passer à mental, puis la mentalisation est dangereuse parce qu'elle court-circuite le système de pensée. La mentalisation est dangereuse, pourquoi? Parce qu'elle se fie uniquement à l'expérience que tu as, puis elle ne peut pas faire affaire avec du neuf. Alors, il va arriver quoi? Il va arriver que tout ce que, logiquement, tout est stupide. C'est vrai que logiquement, tout est stupide. On vit pour mourir, c'est con en maudit. On travaille, puis on dépense, puis on perd, puis tu sais, tout est stupide. La personne qui reste plantée dans le plan mental n'a pas d'accès à des choses neuves. Alors, tout ce qui est traditionnel, Dieu est bon. Oui, mais en tout cas, il y a bien des places que Dieu n'est pas là, parce qu'on peut tout démolir mentalement. Alors, il vient à un moment donné que l'individu peut même se dire, « Bon, ben moi, ça vaut même pas la peine que je vive. Ouais, puis si je me suicide, je ne sais même pas où je m'en vais. Ça vaut même pas la peine que je meurs non plus. » Puis tout devient court-circuité. Alors, l'individu doit faire attention pour ne pas devenir un MTS, un martyr de la transition supramentale. L'individu doit faire attention, puis ça se fait si l'individu applique certaines choses au bon moment, si l'individu ne veut pas aller trop vite. Donc, si c'est pas son ego qui décide de gérer la fusion de l'ego, il n'y aura pas de problème. Mais qu'est-ce qui va créer le potentiel suicidaire, etc.? C'est normalement une mentalisation qui fait qu'à un moment donné, l'ego peut stimuler. Il y a un étranglement du canal réincarnationnel, l'ego va s'organiser pour tuer le corps physique. Il y a d'autres choses que l'ego peut faire, baisser la vibration. On va s'alcooliser, on va se droguer, on va se faire mal, on va manger à outrance, on baisse la vibration, fait que ça peut dégager le mental, et puis là, ça peut réouvrir le canal réincarnationnel, puis on commence à nourrir. Sauf qu'on est une personne évoluante, en train de travailler au blocage de l'évolution, alors à un moment donné, on va commencer à ressouffrir à l'interne, c'est temporaire notre blocage, on va se faire ramasser encore comme ça, avec peut-être 45 livres de plus, peut-être de l'athérosclérose, peut-être d'autres problématiques comme ça, parce qu'on était totalement sujetis à l'évolution sacrificielle. Sacrifie-toi et souffre pour évoluer. Alors que dans l'ère nouvelle, puis ça, l'ère nouvelle, c'est pas quelque chose qu'on doit attendre, on doit devenir. L'être nouveau, l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, lui, ne veut plus vivre par sacrifice. Il vivra par écologie, par intelligence. Mais vivre par intelligence, c'est pas de dire, oh, c'est pas intelligent d'être malade. Je serais intelligent de pas manger du sucre n'importe comment, puis pas avoir de problème. Il y a des lois du corps physique. À un moment donné, l'humain pourra peut-être les transcender, mais là, il y a des lois reliées au corps physique, on doit les appliquer. Donc, on fait attention. C'est plus simple. Il y a des lois reliées au corps vital. On a besoin d'énergie, sinon on est fatigué, l'ego nous ramasse facilement, on devient colérique, impatient, etc. Il y a des lois au niveau du corps astral. On doit apprendre à nourrir l'ego, à nourrir pas l'ego, mais à nourrir le corps astral affectivement, mais pas émotivement. Il y a plusieurs choses comme ça que l'humain doit faire. Mais un être humain qui évolue, vous savez, si on résume, parce que la conférence tire à sa fin, si on résume brièvement, tout ce que j'ai dit, énergétiquement, c'est intéressant. Bon, à un moment donné, ça amène de l'information qui va vous permettre d'entrevoir des réponses à des questions qui deviennent bloquantes. Les questions du mental. Le mental qui dit « Oui, mais pourquoi? » Mais plus rien. Mais là, quand on peut aller fouiller beaucoup plus loin, on peut descendre des choses qui vont justement permettre d'aller plus loin. Ça sert à ça. Ça nous permet d'amener de l'énergie, d'augmenter le potentiel de notre conscience, mais ça ne sert pas à boire de l'eau. Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut qu'on reste terre à terre aussi. Bon, tout en étant en ayant une philosophie qui est beaucoup plus planétaire. Peut-être ce qu'on doit faire simplement au niveau d'évolution, c'est que c'est toujours très simple la mécanique. D'ailleurs, c'est pourquoi elle n'est pas appliquée, parce que c'est beaucoup trop simple. Ça se vend mal. Mais on doit simplement s'arranger pour définir à un moment donné quel genre d'être humain on aimerait être. On parle pas physiquement, là. On parle d'état d'agréabilité. Comment agréable on voudrait que notre vie soit. Là, quelqu'un va dire, ben moi j'aurais plein d'argent, je serais sécurisé. Si tu n'aurais pas peur, tu serais sécurisé aussi, parfait. Bon, tu peux travailler sur aller chercher plein d'argent, mais le problème que c'est que l'argent, ça se gaspille. Donc, tu auras toujours peut-être une peur de ne plus avoir assez d'argent. Alors que si l'individu finit simplement par travailler sur le long terme, sur lui plutôt que sur le reste, tout ce qui lui sera dû à un moment donné va venir. Il ne le croit pas parce qu'il n'a pas expérimenté, mais c'est comme ça que ça arrive. Par contre, l'individu doit simplement travailler sur lui. Quand vous chiolez, c'est stupide, l'intelligence, ce n'est pas ça, ce n'est pas aristocrate, ce n'est pas l'expression de l'intelligence. Quelqu'un va dire, oui, mais des fois, c'est bon de chioler, ça place des choses. Mais non, dis-le, crie-le, chiole pas. Chioler, c'est dire de quoi sans savoir ce qu'on fait. Si par hasard, ça donnait des bons résultats, tant mieux. Mais c'est pas, on n'est pas le maître contrôleur de sa vie, on est encore assujetti. Alors, si progressivement, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'arranger pour exprimer uniquement chez soi ce qui est esthétique, beau et nous amène à être heureux. On ne le sera pas au départ, on l'exprime. On intelligencie, on fait des choses qu'on n'aime pas, on trouve ça stupide. Ben oui, c'est stupide. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je suis manipulé, torieux, c'est que ça. J'ai des habitudes, j'ai des mémoires. Mais c'est pour moi. Et progressivement, l'individu finit par s'en égoïser et tout le processus va donc s'enclencher tout seul. Puis il y aura l'incarnation, il y aura tout ça. Alors, il suffit simplement d'être heureux. Il faut le faire, mais c'est ça quand même, simplement. S'amuser, même s'il faut évoluer. Évoluer. La semaine prochaine, le titre de la conférence, je l'avais tantôt, je l'ai perdu. Comment préparer sa future réincarnation? Le 28 septembre. Même heure, même poste. Alors, amusez-vous.